pense que le micro 3 ne marche pas. Ouais, voilà. Attends, vas-y, reparle dehors. Ouais, non, voilà. Merde. Ou deux. Bah oui, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça fait bien un mois que c'est comme ça en même temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et nous, ça fait 325 émissions qu'on est là. Et on n'a toujours pas été viré. C'est Pyongyang City Rockers qui reprend sous l'œil vindicatif du patron qui aujourd'hui ne rentrera pas dans le studio. Mais par contre, il est là pour vérifier qu'est-ce qu'on fait et puis qu'est-ce qu'on dit. Ah, vous, youyouy. Donc ce soir, eh bien, ouais, il boit des bières. Ouais. Hein. Pendant que nous, on meurt de soif, notre langue, elle prend par terre. Il y a Célia. Salut. Ah, bah, Lyon. C'est Lyon. C'est Lyon. Ouais. La marque de Frag. C'est ça. Goël. Ouais. Et Pierre au feu. Ouais, c'est moi. Voilà. Et moi, c'est Faune. Et toi. Bon. On est ensemble pour une heure pour parler de quoi, je ne sais pas, mais pour passer de la musique, très certainement. D'ailleurs, je commence tout de suite avec non pas Snuffyou ni SNFU, mais Snuff. Ouais. Bah oui, Snuff, hein, c'est les roast beef là, tu sais, ouais. Enfin bon, que ça fait au moins 35 ans qu'ils traînent dans les parages et partout et ailleurs. Ils sortent un album cette année, me semble-t-il. J'ai vraiment l'accent, c'est bizarre, hein, cette année. Bon. Les gars arrivent et tout. T'es rentré dans ta famille ce week-end, c'est ça? Bah même pas. Donc je passe Green Glass Chippings parce qu'ils passent leur temps à casser des canettes et puis après bah chauffer des petits morceaux de verre qui font mal aux pieds. Voilà, des petits morceaux de verre vert. Les Green Glass Chippings par Snuff. Ça va. Bah c'était connu ce morceau. Enfin, je le connais bien ce morceau-là. Bah oui, tu l'as passé il n'y a pas longtemps. Enfin, pas trop longtemps. Il y a deux ans sur Droogies. Dans une radio concurrente, énormément à vie. Ouais. Voilà. Droogies.org. Mercredi. Ouais, un peu tous les jours. Ouais. Mercredi, c'est le live. Ouais, c'est à cette heure même. Oh, trop bien. Et soir, un vrai live en live. Ce soir, je crois que c'est Syndrome 80. Une rediff de live. Ouais, bah oui. Je sais pas, vous pourriez avoir acheté un studio depuis. On n'a pas, pas de direct. Non, bah, bientôt ça viendra quoi. Ça c'est va. Tout ce qu'on peut souhaiter à Droogies Radio, qu'il faut écouter sur Droogies.org. Ouais. Bah, si, on peut souhaiter plus d'auditeurs. Ouais, aussi. Il y en a aussi. Le direct, c'est pas grave. Bon, d'accord. Ça va, c'est Léo. Bon, ouais. C'est Léo. C'est à moi déjà. Bah, si tu veux, ouais. Enfin, si tu veux pas parler, tu parles pas. Hein. Moi aussi. J'avais prévu de passer un petit morceau de Vision 3D parce qu'il était censé jouer ce soir au CCL, mais oui, ça a été annulé à la dernière minute. Pas à cause de... Bah non, à cause des autres qui sont malades apparemment. Ouais, moi j'ai lu, il y en avait un qui avait pas eu ses RTT. Ah non, apparemment... apparemment, il y en a un qui est malade. Oh, bah, bon prompt rétablissement à lui. Ah. Ou à elle. Donc Vision 3D se définissent comme un trio, alors attention, post-pop pop-popping punk qui nous vient de Belgique. Il y a deux membres dedans de The Male Idiot Theory. Et j'ai choisi le morceau Boulevard CBD. Ah bon? Ouais. Comme ça. Ouais. Ah ouais. C'est légal en plus. C'est ça. Ah bah. Un groupe de Dornick. Ouais. Mais en fait, Vision 3D existait avant. Existait avant, ouais, je sais. Voilà. Voilà. Tu sais groupe du Watermoulin. Ouais, et c'est bah ça. Donc ouais, c'est con pour ce soir, ils étaient prévus avec Under 45 et puis je sais plus qui. Et Goodbye Horses. Goodbye Horses. Et voilà, dans l'os. Vous aurez quand même pu jouer. Hein, ce n'est que partie remise. Le Under machin, là, on il pleut, on tape un peu. Il fait froid. Ouais. On va laisser passer ce mercredi de merde. Et puis ça va faire du manque à gagner pour la buvette du CCL quand même. Enfin, il faut le dire quand même, c'est pour ça qu'on va au concert CCL. Pour remplir la caisse de la buvette. Pour payer le loyer, ouais. Ouais, ben bah voilà. Clairement. Bref, ce n'est que partie remise. Il y a encore d'autres concerts prévus au CCL pour l'instant. Vision 3D, boulevard ouais. CBD. Yeah. Voilà, Vision 3D qui joueront pas ce soir au CCL, mais qui viennent d'annoncer une date à Paris, c'est ça hein. C'est ça. Merci le patron. Soir, vous savez tout. Ah, c'est parce que le patron est là qu'on le sait. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, non, mais regarde. Et il fait le malin maintenant. Ouais, il veut pas passer au micro. Non. Par contre, on va pas arrêter de parler de lui, là. Pendant voilà. Une heure, c'est bon. Vous allez, écoutez Pyongyang City Rocker numéro 325. Eh, t'as vu ? Et ouais. Je t'ai même pas demandé aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Ah ben j'ai pas écouté la première fois. Bah c'est comme moi quand voilà. Parce que voilà. Il n'écoute rien à ce qu'il raconte. Mais moi je suis arrivé après le générique. Hein. Oui. Ah ouais. Allez, je vais vous passer un groupe que je vais voir samedi à Courtrai. Courtrai. Un groupe de Metz qui s'appelle 1984 et qui jouera en compagnie de The Warriors, les Rosebif, et des Constrained, les Flamouch. C'est un des rares groupes qui a encore un site internet. Alors si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à vous y rendre. Il y a la bio dessus, comme ça je ne dois pas vous la lire. 1984.fr. Alors j'ai pris le morceau que j'aime le plus de ce groupe et j'ai choisi ce groupe parce qu'il y a du cuivre dedans et que ça fait plaisir à mon pierre à feu. Ah. C'est pour qu'ils reviennent. Wow. 1984, Dreary Day, je crois que c'est un morceau qui était disponible sur leur premier 7 pouces et qui avait été réenregistré sur leur premier album. C'est la version du premier album. Et elle est pour Mika. Et pour Mika. Il n'y a pas beaucoup de cuivre, ça devrait passer. On commence direct. Donc samedi à Courtrai. Salut Jordi. I'm feeling low. It's down to zero. 3 or 10. guerre, c'est aussi des belles histoires. Alors, t'as aimé le petit reggae punk? Mais ouais, putain, moi, c'est mes trucs. Je vais le rajouter dans ma playlist, hein, là, forcé. Hein. Voilà, donc en concert, je crois que ça. Je vais le prononcer en flamand, mais à la française. Hein, je vais me faire engueuler. Hein. Insulter, ouais. En français, je dirais De Verlichte Geest. Ouais. Mais ça se prononcerait De Verlichte Geest. L'esprit éclairé. C'est à part ça. Là-bas. Voilà. Mais avant, c'était ailleurs et maintenant, ça se retrouve pas loin de la gare de Courtrai. Bah, c'est ça. Ouais. Je me disais, bah merde, je connais cette salle-là, mais c'est pas à Courtrai même. J'ai regardé tantôt et c'est à Courtrai même maintenant. Ouais, ils ont bougé parce qu'en fait, ils sont fait teuge à un moment de leur local enfin, qu'ils avaient avant. Parce que c'était pas vers Roulers, ça l'histoire. Ouais, c'était plutôt vers Roulers, ouais. Et ils se retrouvent à Courtrai. Bon, bah voilà. Et puis en plus de ça, ils accueillent Jordi, alors que d'autres, ils sont moins accueillants. Suivez mon regard. Ah non, je ne dirai rien. Tu regardes l'ordi. Hein ? Tu regardes l'ordi. Non, non, Jordi. Jordi. Ah, Jordi. Ah, ouais. Enfin, l'organisateur. Que nous saluons au passage. Hein ? Oui. Voilà. C'est tout ? Cool. À Pierre, alors maintenant. Allez, joue-nous un petit peu de la trompinette. Eh ben, ouais, bah, je vais vous passer Call Me Malcolm. C'est un groupe de ska punk anglais. Ska punk bien mélo, ultra mélo, un peu hardcore. Je vais adorer. Ouais, ouais, grave. C'est pour Mika aussi, c'est celle-là. Quoi, c'est comme des filaments ou quoi? De quoi? Non, c'est vraiment mélo hardcore. Avec une grosse section cuivre, bien engagée sur tout ce qui est psychiatrie et compagnie, bipolarité. Voilà, en plus, donc des textes bien. Ouais, de toute façon, s'ils font du ska punk, ils sont bipolaires. Hein. C'est forcément. Ouais. Non, c'est ça. Je dis une connerie. Non, ils sont trois polaires. Oh. Ouais. Ah oui, il y a aussi un trombone. Bah, c'est ça. D'accord. Bon. Bah, c'est parti. Et le titre, c'est quoi? Tu l'as dit? J'ai vu. Non. One cure to the head, two to the chest. Bravo. Allez. Paf. Bon, ils sont pas là. Bon, voilà, ils sont partis boire ou fumer ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. C'est le moment de rendre un hommage appuyé à Wayne Kramer, donc schmeck qui jouait de la guitare et chantait des fois dans MC5, un des premiers groupes de proto-punk. Ils avaient commencé en 60. Enfin, au début, ils n'étaient pas des trucs très punk, c'était plutôt garage. Et puis après, ils ont commencé à rajouter de la distorce et puis à crier dans tous les sens. Et là, les hauts faits. Qui était quasiment la naissance du punk, c'était au tournant des années 60-70, avec des trucs comme Kick Out the Jams, Motherfuckers. Comme tout le monde, Campus a dû passer ce titre-là au moins une fois depuis que Wayne Kramer est décédé en fin de semaine dernière. Je vais passer à autre chose. C'est un live pris à Londres, je ne sais plus dans quelle salle, où il chante un vieux truc blues, avec en plus de ça, quand même fait à leur façon, avec un chanteur dont vous allez très certainement reconnaître la voix au premier coup. Faut écouter toutes les 6 minutes et 5 secondes jusqu'au bout, parce qu'à la fin, le fameux chanteur invité, qui ne fait pas partie de MC5, mais que tout le monde reconnaîtra, dit un petit truc sur MC5 et ceux qui ont contribué au rock and roll. Tout ceci pour dire au revoir à Wayne Kramer, qui était donc un des inventeurs du punk. On peut dire ça comme ça. Ouais, bon allez, on va le dire. Disons-le, MC5, avec Sister Anne en live en plus. Boom. How you doing? Well, we soon fix that. Sister Anne! I know you can. You're my sister. Tell you something. Without these guys, there would be no Motorhead. There would have been no Damned. There would have been none of them bands. These guys did it all first. You got it? Et voilà. Donc oui. Tout le monde aura reconnu le Oi gueulé par Lemmy. Et puis à la fin, bah, il dit que ouais, sans les gars de MC5, il y aurait pas de Motorhead, pas de Damned, pas de Punk et tout ça. Youpi. Ah bon. Enfin bon, il y a encore des gens qui restent vivants. Hein. Genre même dans le hall là, il y a des des vieux débris comme moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est mon tour. Sur Pyongyang City Rockers. Moi, je ramène un peu de nouveauté. Oui, oh, ça va, hein, je t'en prie. Ouais. Non, mais j'en ai pas toujours, mais là, j'en ai. C'est SE qui sort un nouvel LP chez Loner Cult Record. Bon, alors, il n'est pas encore sorti physiquement. Il devrait arriver d'ici quelques mois. Mais bon, le temps que ça se presse et tout, c'est toujours long. Ouais. On peut déjà l'écouter. Mais ils ont mis deux morceaux sur Bandcamp. Ça se presse sans se presser, quoi. C'est ça. Ouais. Ils ont mis deux morceaux sur Bandcamp. Le LP, il s'appelle Until I Snap. Et ils vont sortir un clip apparemment le 15 février. Un clip ? Ouais. Comment ? Ouais. Dis donc, donc ça on se verra. Professionnalise hein, les gars. C'est ça. Et les filles. Et donc j'ai mis les deux morceaux parce que les deux additionnés ça faisait 2 minutes 15 donc ça va. Allez. Ouais, là c'est une émission spéciale morceau long quand même. Hein. C'est ça. Là je viens de passer un truc de 6 minutes 5 quand même. Un jour j'y arriverai. donc le premier ça s'appelle Trench Club et le deuxième Cut Me Up. Ouais, donc, Etze. Etze. Oui, merci. We'll be right back. c'est beau, c'est bien. C'est bravo. Cool, hein, ouh, ça promet. Ouais. Piste voix, ouais. Franchement. Ouh. J'écoute plus trop de hardcore, mais ça, c'est vraiment le genre de hardcore que je kiffe. Ouais. Ouais. Ah. Ouais, ouais, ouais. Je vais passer tout à fait autre chose. Un morceau pour notre invité. Oh, je vais vous passer donc un morceau des American Crack Rock. Ça vient du New Jersey. Dedans, on y retrouve du Shocking Victims, du Suicide Beats et du Filaments. Il y a aussi un gars qui est musicien studio pour Fat Wreck Chords et qui a aussi joué dans Morning Glory, ça je connais, The Ray Grady's, je connais pas, et Endangered Faces, je ne connais pas non plus. Les crottes en danger. C'est ça. Alors, je pensais que c'était un tout nouveau groupe, mais pas du tout. Alors, ils ont sorti un album en 2008, puis plus rien jusqu'à 2020, où ils reviennent avec deux splits. Ils vont faire une tournée avec Suicide Machines en 2022. Et là, en 2023, ils ont sorti un album. Album qu'ils vont venir défendre dans le coin le 12 juillet à Courtrai, une fois de plus, au café Adfundum. Non, Adfundum. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce groupe. Moi, j'ai choisi le morceau When Pigs Lie. C'est vrai ? Je crois, il me semble. Une fois ou deux. Une fois, je pense. Ouais. On les a fait jouer avec Sigma Duck. Oh, toi, t'arrêtes. Hein. L'année dernière. Ouais, mais vous êtes à Paris, vous êtes au centre du monde, et puis voilà. Donc, c'est comme ça. Je crois qu'ils cherchent encore des dates. Hein. Je crois que sur la tournée, ils cherchent encore des dates, si jamais. Ok, la tournée, mais non, c'est à Courtrai. Donc, j'ai choisi le morceau When Pigs Lie, extrait du split avec un groupe Fat Wreck qui s'appelle Escape from the Zoo, qui est sorti en 2020. Et j'ai choisi ce groupe parce qu'il y a du cuivre dedans et que ça fait plaisir à mon pierre à feu. Here comes your guardian policeman, a public servant if there ever was one, dedicated to the work of protecting your health, welfare and safety, and in many cases, your life. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que les flics mentent. C'est bizarre. Oh bah, c'est pas nouveau. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Tu disais parce que t'es foncièrement anti-police et que t'es contre la République, en fait. Ça oui, et... ça c'est sûr. Ouais. Bon, d'accord. Tu préfères la royauté? Oh. Bah, celle dans laquelle je vis, elle est pas trop dégueu, ça va. Ah bah ouais, tu vois, entre le roi et les gens, il y a quasiment pas de gouvernement, quoi. Ouais, enfin, bah, c'est le pays du compromis, moi j'adore. Compromis. Oh, c'est la Suisse. Oh bah je peux te dire tape Belgique et tu verras que le synonyme c'est pays du compromis, pays des bisounours. Oh pas mal. Coin coin. Enfin ouais, ça dépend pour qui. Je m'y plais. Ça, non, je ne reviendrai jamais en France. Il nous fait. Bah, c'est tiré, là, je te signale. Enfin, oui, non, mais pour faire des activités, pas de problème. Non, non, pas de Calais. Mais y vivre plus jamais. Ouais. Bon, d'accord. Alors, Pierre. Eh bah, ouais. Toi, tu vas revenir en Nord-Pas-de-Calais, toi. Ah, bah, sûrement, ouais. Ouais. Tu l'aimes ou tu la quittes sûrement. Je la quitte. Je viendrai l'été quand il arrêtera de pleuvoir. Ouais. Bon, on va passer Hit the Rich, qui est un nouveau morceau aussi. De Lost Youth, qui est un groupe de reggae français qui vient d'un peu partout, Paris, Strasbourg, Dijon je crois, et qui va jouer en première partie des Slackers le 2 octobre avec 4 bytes au Glazart. Ah mais ça c'est un papier que j'ai, c'est du Sick My Luck encore ça. Voilà voilà, alors c'est pas c'est pas encore annoncé, voilà. Ça fait deux semaines qu'il fait ça. Annoncé, mais on a déjà un petit flyer. Ah, bah, ouais, Slackers, Lost Youth plus Guest at Glazart le 2 octobre 2024. On signe même pas qu'on fait déjà les flyers. Et d'autres à venir. On est comme ça nous. Et ouais, c'est beau. Et 15 ans cette année, bon anniversaire. 15 ans cette année, ouais. Parce qu'on aura peut-être pas l'occasion de se le redire avant quelques semaines. Ouais, on verra. Moi. On verra, on verra. Allez, ouais, 15 ans. On écoute ça tout de suite sur le 106,6. Campuslille.com. Comme. Thank you. main en l'air, pied tendre. Je queen. Vous entendez mon queenement? Bon ben voilà, on se croirait dans au bistrot des Nas, tiens, tu sais à la fin. Voilà. Moi je reviens pas dans la meilleure région du monde, le Nord-Pas-de-Calais, mais un petit peu à côté, bon là où ils sont parfois un peu attardés, puis des fois il y a quand même des bonnes surprises, comme ce Douleur. La Flandre Non, tu parles de quelle Flandre? Occidentale ou orientale? Je sais pas. J'ai déjà trop dit, j'ai déjà trop donné d'indices. Fais gaffe, t'es à Courtrai de samedi. Hein. Justement, c'est pour ça que je dis pas laquelle. Ouais. D'accord. Et donc, non, moi, je parle de la Picardie. Et puis, des fois, on y a des bonnes surprises aussi, comme ce Douleur, des gens d'Amiens, qui font de la musique assez bruyante. Puis là, je vais vous passer un prémix. Parce que ça boit aussi beaucoup. Hein. Ils sont quasiment comme nous, question consommation d'alcool. Voici donc Embourbé par Douleur. Ça devrait sortir un jour sur une galette. Mais de quelle forme et de quelle couleur va savoir Charles Douxler. En un seul mot, hein, Douleur, L-E-U-2-R-E. Enfin bref, jeu de mots. Maître Capello, merci. Vous écoutez Pyongyang City Rockers. C'est le numéro 325 jusqu'à 21h. Douleur, Embourbé. We'll be right back. courbé. Mais ouais, ouais, en effet, ça doit valoir le coup. Putain, en sur live. Scène, moi, je veux bien voir ça. Un de ces jours, très certainement à Lille, parce que franchement, ouais, ça doit valoir le coup. En effet, il nous reste 10 minutes avant de rendre l'antenne. Bon. Comme faisait PA. Bonjour, PA. Bonjour. Bah, moi, je vais passer à un truc un peu plus calme quand même. C'est 9 volts. Ils ont sorti une nouvelle cassette. Enfin, je crois, je ne sais pas si elle est encore sortie physiquement, mais elle va sortir chez notre meilleur label de cassettes d'artistes. D'artistes Lawbreakers. C'est ça. Donc non, ce n'est pas encore sorti. Ce n'est pas encore sorti, mais c'est annoncé en tout cas. Les morceaux sont sur Bandcamp. J'ai choisi le morceau qui s'appelle Silence et la cassette s'appelle Ignorance. Bon, bah voilà. Et voilà, 9 volts, groupe de Tours. Ah. Taisez-vous. Et il nous reste 7 minutes à tenir. Il vous reste 7 minutes à tenir en notre compagnie. Ensuite, on reviendra à une émission un peu normale. C'est JD qui fera Tease Grinder. Ulo, je sais pas. Tiefen, pas Tiefen. Faites vos jeux. Vous êtes allé voir Tiefen là ? Non, c'était il y a 6 mois, mais il nous avait quand même balancé l'enregistrement du concert fait dans la salle. Avec le son vintage, tu vois. Fumé, ultra fumé. Ultra fumé. Et toi aussi, t'as un son fumé, Pierre ? Moi aussi, je suis bien fumé. Ouais. Ouais. Et bien, du coup, je vais passer à Away Samurai, qui est un groupe de Besançon à l'ancienne. C'est un des. Ouais, ils font partie des premiers groupes surf punk en France. Ultra vénère, bien tiré sur Manor Astroman. Voilà, ça a splitté, ça s'est reformé, ça a resplitté, et puis ça envoie la sauce. Voilà. Bon, vas-y, tu vas voir. D'ailleurs, ça s'appelle avec le vrai nom. Ah oui, Samurai, et le morceau, c'est La Bruta. We'll be right back. Googling, ouais, bon, ouais. Ok, d'accord. Je comprends. je ne souscris pas, mais je comprends. Allez, on va écouter maintenant un groupe lillois que tu as déjà fait jouer, Pierre. On va se quitter là-dessus, je pense. Je suis pas sûr. Si, non. Enfin. Ou alors c'était prévu, hein. Ouais. Ouais, c'était prévu. Enfin bref. Donc les poteaux de longue date de The Scalogs sont toujours vivants, et ça depuis 20 ans. Ils viennent de sortir leur nouvel album 9 titres qu'ils ont appelé Leave It Now. Ils sont passés à RQC, ils sont passés à Boomerang, mais toujours pas chez nous. Ils devraient passer bientôt sur RCV dans La Vie des Microbes. Excellente émission d'agenda underground le lundi soir à 23h sur RCV et qui est rediffusée le jeudi matin à 8h sur Campus. J'ai même pas reçu l'album promo, mec. Je fais bien ma pub. Bah, si tu veux, je te le filerai. Ah ouais, ouais. Ils m'ont même pas envoyé, quoi. Putain, les enfoirés. Bon, si j'ai choisi ce groupe, c'est parce qu'il y a du cuivre dedans et que ça, ça fait plaisir à mon Pierre à feu. Et la pochette dessinée par Zou. Oui, par Zou. Ils ont dû payer cher. Ah bah, tu m'étonnes. Il est cher. Sacré Zou. Sacré Zou. D'ailleurs, il a fait une paire de concerts pour Sick My Duck. Ah bah, bien sûr. Mais de longue date. Je l'embrasse. Bon, on va pas parler de ça à l'antenne, mais quand j'avais rencontré Grouse Rock, c'était horriblement cher. Grouse Rock. Bon. 800 balles le flyer, wesh. Wesh. Oh là là, putain. Donc bah écoute, c'est le dernier titre qu'on passe ce soir, parce que là il va falloir rendre l'antenne juste après Scalogs. On a juste le temps de les passer. Donc on dit à Cap maintenant. On a plus qu'à dire ça maintenant. C'est ça. Et à la semaine prochaine pour le 326e de Pyongyang City Rockers. Avec un invité, Mimil de Kill for Peace, qui viendra pas présenter son groupe et qui viendra présenter une date qu'il organise à Valenciennes, le Rebellion Tour, avec entre autres Madball, Chisel. Scroll. Voilà, on en reparle la semaine prochaine avec Mimil. Pour l'instant, Scalogs, Leave It Now. Oi. Un câble. You're getting older.